Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezwa dans le rôle de Carl Terob et Kael dans le rôle d'Albert. Chapitre 4 Sur la piste. Ce n'est pas chaud ce matin. Inutile de compter sur la sécurité pour retrouver nos vies. Le mieux est encore que je m'en charge personnellement. Oh, soudain tout tourne. Si je ferme les yeux... Où suis-je ? Qu'est-ce que je fais coucher à plat ventre sur cette surface métallique ? Oh ! Deux petits niches sont étendus devant moi ! Qu'est-ce que... Des souliers de femme viennent d'apparaître dans mon champ de vision ! Mais que fait-elle ? Elle m'injecte quelque chose ! Non ! Peut-être si je secoue la tête ? Que s'est-il passé ? Me voilà couchée dans la neige devant chez moi. Cette vision, les deux bébés éniches, la femme, l'injection. Une hallucination ? Je l'ai rêvé ? Et si c'était la réalité ? Si par je ne sais quel tour de passe-passe, j'avais été transportée dans l'esprit de Novi ? Les agents de la sécurité ont dit que Novi était la troisième victime. Ai-je vu les deux premières ? C'est bizarre. Vraiment bizarre. Waouh ! Quelle bombe, ce glisseur de la sécurité ! En comparaison, notre vieil appareil familial ressemble à la guimbarde de Mathusalem. Malheureusement, ma mère n'a pas du tout l'intention de le changer pour un modèle moins antique. Albert, tu peux me communiquer le rapport météo ? Bonjour, Carl. La tempête a chassé tous les nuages de la région. On annonce des temps ensoleillés pour les prochains jours. Voilà qui est de bon augure. Place-toi en autodiagnostic. Tous mes systèmes sont en ordre, Carl. Parfait. Alors allons-y. Plein nord, droit sur le glacier. Xena a dit que les ravisseurs sont venus de derrière le glacier. J'ai l'intention de survoler toute cette région. Avec l'aide du pisteur que maman a inventé et qu'on a monté sur le glisseur le mois dernier, j'espère retrouver la trace des bandits. Nous voilà à l'entrée de la passe et du glacier. Très bien, j'enclenche le pisteur. Maintenant, l'appareil à moins d'un mètre du sol. Sinon, le pisteur sera tout à fait inefficace. Entendu, mais soyons prudents. Le terrain très accidenté. En effet, j'espère seulement que la tempête d'hier n'a pas balayé toute trace des ravisseurs. Pause. Il faut que je mange quelque chose. Il passe midi et j'ai un de ces mal de tête. Malheureusement, j'ai omis d'apporter un casse-croûte digne de ce nom avant de quitter la maison. J'en suis réduite à avaler des rations d'urgence. C'est bon ? Insipide. Mais ça a l'avantage d'être nourrissant. Nous avons atteint la base du versant ouest du glacier et toujours rien. Pas la moindre piste des ravisseurs. C'est décourageant. Il faudra interrompre très bientôt, la nuit tombe. Oui, je sais. On a déjà failli s'emboutir dans un bloc de glace à deux reprises. Attention!